Dossier 3. Nous participons tous à la pollution atmosphérique. Chacun d'entre nous devra faire quelques efforts pour protéger notre environnement, notre santé et notre avenir. Je vais vous donner quelques conseils pour éviter la pollution de l'air. Il est nécessaire de cultiver plus de plantes et d'arbres et il ne faut pas allumer de feu dans les forêts. Ne brûlez pas les déchets. Laissez votre voiture au garage et utilisez plutôt les moyens de transport en commun, comme le bus, le train et le métro. Prenez votre vélo, marchez, c'est bien pour la santé et l'environnement. N'utilisez pas de pesticides dans votre jardin. Ne fumez pas. Il faut utiliser raisonnablement les produits de nettoyage. Éteignez le chauffage avant de sortir.